et la voix du désert a traversé les siècles. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue une fois de plus à cette émission qui s'appelle L'Opinion de Chef. C'est Denis Barry qui vous parle. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h ce soir avec de la musique que j'espère que vous allez apprécier. Musique que j'ai préparée avec plaisir et soin pour vous faire plaisir. J'espère que vous avez passé une belle journée, que tout s'est bien passé. En tout cas, j'espère que pour les deux prochaines heures, ça va bien aller, que tout va bien se passer aussi. Alors, ce soir, c'est un peu spécial pour moi. Ben, pour plusieurs personnes, nous sommes la veille du 22 novembre et vous savez que les éphémérides et moi faisons bon ménage. Alors, le 22 novembre, ça fait 50 ans demain que John F. Kennedy s'est fait assassiner à Dallas, sur l'heure du midi, je pense, ouais, aux alentours de 11h30. Et je me rappelle, comme vous, j'imagine, si vous avez à peu près dans les mêmes âges que moi, quand vous étiez rentré pour l'heure du dîner, c'était la stupéfaction à la télévision, à la radio, on ne parlait que de ça. 50 ans plus tard, on en parle encore, c'est encore un événement bouleversant et qui a marqué l'histoire et l'imagerie populaire pendant de nombreuses années, comme l'accident Challenger avait fait, comme de grandes catastrophes ont fait aussi. Mais quand t'es petit, ça marque davantage. Alors ce soir, je vais faire un petit clin d'œil à cet événement, simplement juste pour nous rappeler ce moment qui a marqué notre vie. Alors là-dessus, je vous souhaite une bien belle soirée. J'espère que tout va bien aller pour vous. C'est l'opinion du chef à CKRL. Thing that I was going to wait a while before we talked about. Maybe we'll talk about it now so you can think about it, because we all have to make some kind of plans for ourselves. It's a free concert from now on. That doesn't mean that anything goes. What that means is we're going to put the music up here for free. Now, let's face the situation. We've had thousands and thousands of people come here today. Many, many more than we knew or even dreamt or thought would be possible. We're going to need each other to help each other to work this out, because we're taxing the systems that we have set up. We're going to be bringing the food in. But the one major thing you have to remember tonight, when you go back up into the woods to go to sleep, or if you stay here, is that the man next to you is your brother. And you damn well better treat each other that way, because if they don't, then we blow the whole thing. But we've got it right there. Without him in the Cadillac fence, he watch the men on the moon. And just like old friends, he remembers so long, JFK. The Beatles, they did okay. We took the best of our better days. So long, JFK. He got lost in the 70s. Nixon and Watergate, and the 80s they stole another piece of his soul, traded his dreams for real estate. And just like old friends, he remembers so long, JFK. The Beatles, they did okay. They took the best of our better days. So long, JFK. Kennedy a été blessé mortellement à Dallas, au Texas, alors qu'il se rendait en voiture à un banquet, au cours duquel il devait prononcer un important discours. Accompagné de sa femme Jacqueline, du gouverneur du Texas, M. Connally, et de quelques autres personnalités politiques, il traversait l'une des principales artères de la ville au moment où un individu fit feu dans leur direction. Directement de Dallas, un témoin oculaire nous décrit ces minutes fatales pour le chef d'État américain. Le président John F. Kennedy a été assassiné d'un coup de feu à la tempe droite vers 2h cet après-midi, ici à Dallas, au Texas, à la suite d'une sauvage fusillade, alors qu'il était en tournée dans cette ville pour les 3 prochains jours, invité du Dallas Trade Fair. Le président était accompagné de son épouse, qui heureusement n'a pas été blessée, mais le gouverneur de l'État du Texas, M. Connally, a été que légèrement blessé d'un coup de feu, mais son état ne serait pas alarmant. Pour le moment, il est hospitalisé à l'hôpital général de Dallas et la fusillade eut lieu seulement 30 minutes après que le président fut arrivé à Dallas en route de l'arrière-gare locale au Dallas Trade Fair où le président devait adresser la parole à cette grande exposition qui est la fête annuelle des hommes d'affaires de Dallas. Le vice-président Johnson succédera donc dans quelques jours au président Kennedy. À remarquer que le président Kennedy fut le premier président catholique des États-Unis. Il laisse popularité à son épouse, Mme Jacqueline Bouvier Kennedy, et ses enfants, Caroline exactly et Joseph Junior Kennedy. There's a man with a gun over there.

Bonsoir, c'est Madeleine. Je voulais juste vous dire que moi et les 69 autres membres du club d'échangistes, les rhododendrons de Bois-Châtel, ben, on a changé notre soir de rencontre. Maintenant, le jeudi, c'est sacré. On fait comme vous, on écoute l'opineur du chef à CKRL, la radio organique. Fais mon chemin seul, sans carte ni boussole, sans l'aide de vos conseils, ni vos coussins, j'ai glissé jusqu'ici seul. Oui, j'ai fait mon chemin seul. Mes peurs entre parenthèses, entre guillemets, dégriffées par un sens du mot. J'ai fait mon chemin seul. Les mêmes masques, les mêmes mots, les mêmes gestes, le même vent, la même course. À chacun sa bouée, on fait son chemin seul, plus ou moins seul. Ton absence prend de la place, mais ma présence en prenait trop. On fait son chemin seul. On fait son chemin seul. Parfois pesant, parfois pressé, parfois beau, parfois faux, parfois mûr, parfois mal. On fait son chemin seul. Thank you.

and nothing I do or try can get through the spell. So one more time we'll dim the lights and ring the curtain up and play again like all the times before. But far behind the music you can almost hear the sounds of laughter like the waves upon the shores of infinity. Bonsoir, je m'appelle Olivier, je me couche toujours à 8 heures, sauf le jeudi, parce que j'écoute mon grand-papa Denis à la radio de CKRL. You go toys and cross. Truth of the matter.

Vous écoutez l'opinion du chef à CKRL, c'est Denis Barry qui est avec vous depuis 20 heures. J'espère que vous passez du bon temps et que vous allez bien en ce moment. On vient tout juste d'entendre, vous avez bien sûr reconnu And You and I, c'était Yes. C'est tiré du disque Yes Classic, c'est tiré du DVD plutôt Yes Classic, c'est ça. Tout juste avant, c'était On the Stage Before, c'était Al Stewart, The Battle of Evermore, c'était Led Zeppelin, c'était tiré du disque Led Zeppelin 4, celui sur lequel on retrouve Stairway to Heaven. On se rend compte, en écoutant ces pièces-là, que Led Zeppelin, c'était vraiment un groupe aussi de folk, et j'ai entendu tout récemment Robert Plant chanter avec une jeune demoiselle dont je me souviens pas le nom, mais c'était vraiment folk country. Ses racines sont folk et ça paraît tout au long de la carrière de Led Zeppelin, même si à certains égards c'est pas toujours évident, mais pour beaucoup de pièces dont celle-ci, The Battle of Evermore, on reconnaît vraiment toute la profondeur et l'ampleur du folk singer qui était Robert Plant. Tears and Pavans, c'était les Strubs, et c'était ce qu'il a joué depuis 20h30, et voilà, c'est l'opinion du chef à CKRL. J'espère que vous passez une bien belle soirée. On continue comme ça en musique jusqu'à 22h. Merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite d'être le mieux que vous puissiez être. Voilà. On va faire un tour dans une drôle de pièce que très longtemps que j'ai pas fait jouer. Thank you. through the streets at night. And she's black and her eyes are burning yellow, fierce and bright. The nights are dark and sad, so sharp and wide and awake. As she acts out her past of jungle days, when the night was her friend in many other different ways. Protection, gave detection by her fragile name. sky. They're driven by a strange desire. Unseen by the human eye, someone's calling. I remember when you held my hand in the park we would play when the circus came to town. Oh, outside the circus gathering moves silently along the rain swept boulevard. The procession moves on, the shouting is over, the fabulous freaks are leaving town. They're driven by a strange desire. Seen by the human eye, someone's calling. Sat and watched as the moon rose for the very first time.

For I'm proud of you. Let's get on back and stand. But we are here in these bitter times. Now it's time to go. This is not my home. From her aisle, she said her goodbyes and blasted off to the stars. So it starts with you. Let there be no secrets on the wicked moon. Of a thousand smiles while we are here in this winter time. We'll be right back. last night you said I was cold. We'll be right back. wasted. I've never been so wasted. I've never been this far up before. Perimeter. What? There's a presence here. I feel. Could have been ancient. Could have been mystical. There's a presence. Child, my child, my childhood, childhood, a misplaced childhood, a childhood, a misplaced childhood, give it back to me, give it back to me, a childhood. Child before they grow big. surprised, more than surprised, to find the answers to the questions were always in your own eyes. Do you realize that you could have gone back to her? C'est sur ces notes de Marillion que va se terminer l'émission ce soir. Je suis désolé d'être obligé de couper ça avant la fin. Le temps me pousse. Et moi, je vous dis un gros merci d'avoir été là. C'était Denis Barry depuis 20h à cette émission qui s'appelle L'Opinion de Chef. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 20h pour un autre beau petit voyage. À travers le temps et à travers la musique. Je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle fin de semaine. Je vous donne, comme je vous dis, rendez-vous la semaine prochaine et je laisse l'antenne à mes amis de Ton Oreille à Soif qui s'amènent avec leur fougue et leur énergie dans quelques instants. Bonne fin de semaine, au revoir. Téléchargez l'opineur du chef sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette émission vous a été présentée par le Chicchio Café. Un accord mets son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Pourquoi la Barberie n'utilise-t-elle pas de clichés pour vendre les délicieuses bières qu'elle embouteille? Parce que nous sommes différents. En vente chez tous les bons marchands. C'est parce que le chanvre industriel est déjà légal depuis 1998. Et à Québec, c'est à la boutique Écotantique qu'on peut s'en procurer. Venez découvrir la plante la plus fantastique que la nature nous ait donnée. Pour vos cadeaux, la boutique Écotantique vous offre un vaste choix de produits écologiques, dont les vêtements Abaca fabriqués à Shawinigan. 160 rue Saint-Paul dans le Vieux-Port. 418-692-0118. Écotantique.com. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat chez Seb's Tea et Lounge au 67 René Lévesque Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Juste faire clair la marche, Facebook ou les petites annonces dans le journal. Le 1er février, le 2e est trop impersonnel, puis le 3e, franchement bizarre. Livrer retrouvailles le fun, c'est au quartier de Lune que ça se passe. Si entre 91 et 2001, t'es déjà venu au quartier de Lune, c'est le temps d'y revenir. Il y a un buffet gratuit puis un apéro pour tout le monde. Si c'est la première fois que tu viens puis tu te sens tout seul, viens nous jaser, on est bien cool. Le 28 novembre, les retrouvailles au quartier de Lune de 17h jusqu'à bien, bien tard. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui pèse sur vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous! Il est l'heure de s'enivrer! Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous! Enivrez-vous sans cesse! Wouhou! Ton oreille a soif dans quelques instants.